Chapitre 24e. L'amour par téléphone. Peu après, Raoul prenait congé du détective et l'auto l'emportait pour le conduire avec les mêmes ruses jusqu'à la rue des Mathurins. Le lendemain, il avertissait qu'il ne déjeunait pas à la maison, ayant à plaider à Versailles. Vers 11h, il se faisait conduire chez son ami André Girardet. Il avait annoncé sa visite. L'infirme l'attendait. Ce fut en vérité, comme l'avait dit Paulin Broquet, pour André Girardet, une véritable joie de revoir Raoul. André Girardet était de quelques années plus âgé que les deux frères, mais ils s'étaient rencontrés au même lycée et liés d'amitié, bien que tous trois eussent suivi des carrières absolument différentes et que, grâce au hasard de la vie, ils demeurassent éloignés les uns des autres. Jamais ils n'avaient cessé de se tenir en rapport, de se donner mutuellement de leurs nouvelles. Puis, André Girardet partit aux colonies, ayant demandé subitement comme faveur de prendre part à une expédition aussi dangereuse qu'au ministère de la guerre on osait désigner un officier. Quand André Girardet revint de cette expédition, on le portait sur un brancard, et depuis, il ne quittait plus son canapé, sa chaise longue. Tout jeune, les rizières d'Anam, les blessures avaient fait de lui un vieillard. Mais du secret de leur ami, Raoul et Robert, qui certainement soupçonnaient un drame, n'avaient pas voulu percer le mystère douloureux. Jamais André n'en parlait, et jamais les deux frères ne rencontrèrent chez leur ami la bonne et affectueuse Madame Laurent, seule confidente du passé d'amour, du présent de larmes. « Ah, que c'est gentil à toi de venir me surprendre !» cria l'infirme à Raoul dès que l'avocat parut sur le seuil de la porte du salon. « Combien je t'en remercie !» Il tendit à son ami ses deux mains amaigries. « Ah, mon cher Raoul, mon bon, mon brave Raoul, que je suis content !» Le jeune avocat lui rendit cordialement son étreinte. Puis, ayant pris près du canapé un fauteuil, il s'assit et dit « Ne me remercie pas, André. Si je viens, c'est par égoïsme. Ça m'est égal puisque tu es venu. Mon égoïsme à moi s'en contente sans s'occuper du tien. À moins que tu n'aies quelque confidence à me faire, un service à me demander, ou un chagrin dont tu veuilles chez moi laisser une partie de la charge trop lourde. » Raoul courba la tête. « C'est cela. Je l'ai compris, à ton entrée. Quand on aime bien les gens, vois-tu, quoi qu'ils fassent pour vous donner le change, on devine leurs vraies pensées, leurs soucis. Et sous leur sourire, on aperçoit les larmes qu'ils voudraient cacher. « Mon bon André, ton cœur est si généreux, ton âme si clairvoyante. Non, mais je t'aime beaucoup. Je te connais bien. Et souffrant moi-même, vivant replié sur mon pauvre être, je comprends mieux, je vois mieux, parce que je n'ai plus d'horizon. Je suis comme toi, André, enserré dans une douleur atroce. Depuis quelque temps, j'entrevoyais une vie nouvelle. Déjà, comme pour un beau jour, une aurore blonde se montrait, puis un coup de tonnerre a tout détruit. Je suis jeté à terre, écrasé sous l'orage, et je n'ai même plus le droit de tourner mon regard effaré vers les deux coins de ciel bleu que sont les yeux aimés. « Ah !» fit douloureusement André Girardet, « je te plains sincèrement. Je ne croyais pas que ta peine fût si forte. Il est au monde une femme, une jeune fille, elle a 20 ans à peine, qui réunit en elle tout ce que le ciel peut se plaire à donner en grâce, en beauté, en charme, à la femme dont il veut faire le chef-d'œuvre, le lien idéal, qui rattache ce monde à la divinité. Tu l'aimais, tu l'aimes, je l'aimerai toujours. Pauvre ami, elle ne peut, ne doit pas, ne veut pas t'aimer. Peut-être, si, elle m'aimerait. Alors, mais moi, je ne dois plus l'aimer. La raison, je suis le fils du banquier Montreuil. Je ne comprends pas. Mon cher André, nous étions les seuls, Robert et moi, tant notre vénération pour notre père était sincère, absolue, à ne pas savoir ce qu'en réalité était le banquier Montreuil. André Girardet fit un geste. « Assez, Raoul, tais-toi, je n'ai pas besoin de savoir. Tu sais donc, toi aussi, tu savais, comme tout le monde. Alors je n'ai plus qu'à te dire que cette jeune fille que j'adore est la fille d'une des premières et des plus douloureuses victimes de mon père. Tais-toi, tais-toi. Je te défends de dire cela de ton père. C'est une infâme calomnie. C'est tout au long, tout au clair, écrit dans les journaux judiciaires de l'époque. Robert et moi l'avons lu, et Raymonde elle-même. Raymonde ? Ta sœur Raymonde ? Oui. Ah, mes amis, mes pauvres amis. Vous ne méritez pas une peine pareille. Mais enfin, tout n'est pas, tout ne peut pas être vrai. Non, votre père, comme tout homme qui s'élève, avait des ennemis. Dès qu'une tête dépasse la foule, l'insulte, la vise, la colonie cherche à l'atteindre. Doucement, Raoul répondit. « Je te remercie de défendre mon père, mais nous avons, Robert et moi, les preuves de ses actes, non pas seulement dans les journaux, mais chez nous-mêmes, à la banque. Qu'importe ! Pour moi, pour tous ceux qui vous connaissent, toi, ton frère, cette charmante et noble Raymonde, le banquier a pu entreprendre des spéculations répréhensibles chez lui, mais il était le père de Robert, de Raoul et de Raymonde, et il a donné à ses enfants le meilleur cœur, la plus belle âme. Nous n'avons pas à voir autre chose. Merci, André. Quant à cette jeune fille, si elle te connaît, elle t'aime, et t'aimant, tout le reste ne la regarde pas. Sinon, son cœur ne vaut pas le tien, et malgré sa beauté, je t'engage à faire le sacrifice de cette passion, qui ne peut être de l'amour, comme je le comprends, et toi aussi, mais qui n'est que de la fantaisie, du désir d'amour dont on se guérit. Raoul, enfoncé dans son fauteuil, écoutait sans trouver que répondre, sans bouger. André reprit. Si elle a du cœur, elle comprendra que l'argent ne fait pas le bonheur à lui seul, que ce passé de deuil n'engage pas l'avenir des enfants, que plus fort que la rancune, plus fort que la haine, plus fort que tout est l'amour. Et lentement, à mi-voix, l'infirme poursuivit. Aimer, aimer, quelle douce et magnifique chose. L'amour doit emplir la vie, combler l'existence. Sans amour, aucune carrière d'homme, si brillante soit-elle, n'est complète. Aucune femme n'a rempli sa mission sacrée si elle n'a pas aimé. Aimer, c'est non pas rien que sentir son cœur battre plus fort. C'est pour ainsi dire saisir, prendre entre ses mains, tenir et voir son âme. Vivre sans amour, c'est respirer, c'est remuer, ce n'est pas être vraiment. Et quelle joie, quel bonheur. L'amour est si puissant qu'il anime encore ceux qui, comme moi, ont voulu mourir pour lui. Il rend chair nos souffrances et laisse, dans ce qui n'est déjà qu'un cadavre, une âme radieuse, du seul souvenir d'avoir aimé. Puis, après un court moment de silence, après avoir essuyé ses yeux, pendant que le jeune avocat séchait les siens, il dit, élevant la voix, « Là, mon bon Raoul, plus de larmes. Tu n'es pas venu ici pour pleurer avec moi. Allons, lève la tête, hausse ton cœur, reprends confiance. Le mal n'est pas si grand que, pauvre amoureux, tu te l'imagines. Ainsi, mon bon Raoul, sois aimé. Le reste, je m'en charge. Comment ferais-je, moi, infirme, cloué sur mon canapé de souffrance pour faire ton bonheur? C'est mon secret. Tu verras, tu verras. » Il ajouta. Maintenant, assez parlé de cela. Nous allons déjeuner. Il y aura de l'eau fraîche pour toi, pauvre amoureux, et du champagne, que je te conseille de préférence. Puis, après déjeuner, tu me donneras le nom et l'adresse de cette merveille, de ce trésor, de cette ange-femme. Et je te promets que sous peu tu verras de nouveau à ton horizon poindre la radieuse aurore blonde. André essaya de rire, puis dit ensuite, « Ah, autre chose maintenant, confidence pour confidence. Mon cher Raoul, connaissant ta vaillance, ton courage, ta bonté, je me suis engagé pour toi. Tu as bien fait, voilà. Ah, il n'est pas que toi, mon bon, qui détiennes la spécialité des jeunes filles blondes aux yeux bleus, qui ont tout le charme, la grâce que le ciel réserve à ces chefs-d'œuvre de femmes. Moi aussi j'en ai un exemplaire. Une jeune fille qui, ne te fâche pas, vaut sûrement la tienne. Hélas, elle ne peut être mon aurore. Elle est aussi belle que sage, aussi aimante que belle, aussi dévouée que blonde, et aussi pauvre que sage. Elle va seule dans Paris, et comme elle a besoin, étant orpheline, d'un défenseur, puisque moi je ne puis être son chevalier, je t'ai désigné pour me remplacer. Merci, tu peux être sûr, je le sais. Alors cette jeune fille a dans un petit portefeuille ton nom, ton adresse que je lui ai donnée. Au premier danger, elle te fera signe. Et j'accourrai. » À ce moment, la sonnerie du téléphone se fit entendre et interrompit les deux amis. André Girardet saisit l'appareil qu'il se trouvait à demeure toujours à sa portée, sur une petite table. Il écouta et parla. « Allô ?»« Ah, vous, cher ami, que je suis heureux de vous entendre. Comment allez-vous ? Moi, ou bien. Ce matin, je ne suis pas seul. Un de mes plus chers amis est venu me surprendre. Vous voyez si je suis content. Nous parlons de choses très sérieuses, les plus sérieuses qui soient au monde, d'amour. Oui, d'amour, il est amoureux, il souffre, il pleure. C'est bien de l'amour, oui, en effet. Pourquoi? Parce qu'il se fait des idées abracadabrantes. Mais oui, c'est toujours comme ça. Il est charmant, plein de cœur, une belle âme et, attendez, joli garçon, parfaitement. C'est ce que je lui dis, mais il ne sait pas si elle l'aimera suffisamment. Il arrive un malheur, celle qu'il aime était très pauvre, il était très riche. Naturellement, pour en faire sa femme. Oui, mais maintenant c'est lui qui est pauvre et elle qui devient très riche. Il a peur de ne plus être aimé. Comment? Comment? Je ne reconnais pas votre voix. Vous êtes deux à l'appareil. Elle est là. Ah, mais c'est de la trahison. Attendez, attendez. André Girardet tendit un des récepteurs à Raoul, lui disant « Tiens, écoute ce que pense de tout cela mon aurore blonde à moi. Écoute. Allô? Allô? Oui, il devient pauvre. Elle, très riche. C'est votre avis? Ah, si elle est digne d'être aimée, elle doit l'aimer deux fois plus maintenant qu'il est pauvre. Eh bien, c'est ce que je lui dis. Bravo. Vous avez-vous un cœur comme il faudrait que son aimé en eût un? Elle est blonde comme vous. Elle a des yeux bleus comme les vôtres. Un sourire comme le vôtre. Votre charme, votre grâce. Mais voilà, a-t-elle votre cœur? Je le lui souhaite, parce qu'il mérite, aimant une seconde rirette, que cet aimé ait avec votre beauté aussi l'âme de ma jolie Riri. Raoul se leva, poussa un cri, et fit tomber dans un mouvement brusque l'appareil. « Riri ? » s'écria-t-il. « Riri, mais c'est elle ! » !»« Elle ? » ?»« Oui, c'est elle que j'aime comme un fou, celle dont tout me sépare. La fille du malheureux que mon père a ruiné, a fait mourir. C'est Riri, Riri Ménardier, c'est Riri !» André Girardet tressaillit. Mais il se ressaisit promptement. « Oh ! » fit-il affectant de rire. « Alors ça marchera bien mieux que je ne croyais. Si toutefois tu ne viens pas comme ça couper chaque fois la communication. » Il dit à Raoul, « Ramasse l'appareil, remets-le en place. Nous aurons de la chance s'ils sont encore là. » Il sonna. « Allô ? Allô ?» Parti, parbleu. Riri est avec Madame Laurent. Elles doivent être furieuses après les demoiselles du téléphone. Replaçant les récepteurs, il se tourna vers Raoul. « Eh bien, tu as entendu Riri elle-même répondre ?» Et lui tendant les mains affectueusement, « Allons, mon bon Raoul, espère maintenant. L'aurore blonde est là, le jour vermeil va paraître. Ah oui, chante ton bonheur, va, pleure si tu veux, crie, sois fou, aime, aime !»